6-9 du week-end sur France Inter. Voici Les Aventuriers avec Fabienne Chauvière, l'actualité scientifique. Bonjour Fabienne. Bonjour Pierre. Et rencontre aujourd'hui avec un vétérinaire pas comme les autres. Il s'appelle Norin Chai, il est vétérinaire en chef de la ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes à Paris. Il est cambodgien, il est bouddhiste et il a une approche des animaux assez originale. Ça fait maintenant 30 ans que je suis vétérinaire, spécialiste en faune sauvage. Et ce qui m'intéresse, c'est cet aspect extrêmement varié de toute la biodiversité animale. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont ils communiquent entre eux et quelque part, comment ils nous communiquent leur état émotionnel. Alors pour Norin Chai, chien, chat, éléphant ou perroquet, les animaux peuvent être gais ou tristes, empathiques ou colériques et accéder à leurs émotions nous ouvre une porte originale sur leur monde qui devient alors fascinant. Les émotions des animaux commencent à être prises au sérieux. Autant on a beaucoup travaillé sur l'intelligence, sur leur capacité cognitive, sur leur transmission de savoir, même, on parle même de culture animale, mais l'émotion. L'émotion animale en elle-même, elle est extrêmement fugace. Par exemple, là récemment j'étais au Cambodge, c'était pour soigner des éléphants. Le premier jour, ils étaient sur leur garde. Donc on a fait des prises de sang, des échographies, faites étranges. Au dernier jour, vous n'êtes pas non plus obligé de me croire, mais j'ai eu une sorte de contact, une réception d'un message d'un de ces éléphants qui me disait merci. Tout ça, c'est du ressenti. Il a mis son front, en fait, contre la paume de ma main. Et j'ai senti un véritable sourire émotionnel, un sourire télépathique qui m'a profondément touché. Pour Norin Chai, comprendre les émotions des animaux permet aux hommes de mieux communiquer avec eux et même de mieux se comprendre entre eux. Norin Chai est l'auteur de Sagesse animale, comment les animaux peuvent nous rendre plus humains. Le livre est paru chez Stock. Et on peut donc, Fabienne Chauvière, communiquer avec les animaux si on utilise leur langage ? Oui, et c'est ce que fait Norin Chai dans sa pratique vétérinaire. Il n'hésite d'ailleurs pas à dire que les animaux parlent. Ce qui m'a toujours étonné ou même chagriné, c'est qu'on me dise que les animaux ne parlent pas. Bien sûr qu'ils parlent, ils n'arrêtent pas de nous parler. C'est nous qui n'arrivons pas à les comprendre. C'est comme si vous voyagez, vous allez en Inde, les Indiens qui parlent autour de vous, vous comprenez rien, mais pourtant vous savez qui parle. L'animal, vous voyez, il va parler d'abord avec le cerveau du cœur. Alors, ces émotions de joie, de tristesse, de souffrance, on les prend en compte dans la gestion quotidienne en essayant de mettre en avant ces émotions, puisqu'on fait ce qu'on appelle du medical training. Et là, je ne peux pas ne pas vous raconter l'histoire avec mon ami Tenga, qui est un tapir, et donc qui est arrivé à la ménagerie à l'âge de 1 an. À chaque fois, quand je vais le voir, je le caresse, je lui fais des papouilles. Papouille, j'aime pas le mot, c'est... Bref, je lui fais vraiment les papouilles et il adore ça. Et du coup, à tel point qu'il se couche et il s'endort sous mes caresses. Et je fais ça tous les jours. J'ai fait ça tous les jours pendant quasiment 1 an. Et maintenant, à chaque fois que je vais le voir et que je lui caresse le ventre ou le dos, il se couche. Et là, ça me permet de l'examiner, de lui soigner les pieds. Ben, ce matin, notamment, il s'était fait mal à la patte. Donc, j'ai pu lui mettre de la pommade juste en le caressant. Il se couche. Il sait ce que je vais faire que du bien. Cette histoire de Tenga, c'est l'histoire que tous les vétérinaires de parcs zoologiques essaient d'avoir avec leurs animaux. Voilà, je rappelle que Norin Chai est l'auteur de Sagesse animale. Il est merveilleux cet homme. Comment les animaux peuvent nous rendre plus humains. Oui, absolument. Je rappelle le titre parce que vous parlez en même temps que moi, Patricia. Alors, Sagesse animale, comment les animaux peuvent nous rendre plus humains, c'est paru aux éditions Stock. Fabienne Chauvière, Les Aventuriers, c'était à réécouter sur le site franceinter.fr.